écologiste Éco-Justice et la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine demandent une réforme sérieuse de la loi sur les mines. Hier, les organismes de la Coalition ont dévoilé un rapport sur les aspects qu'ils jugent désuets de l'actuelle loi. Le ministre délégué aux Ressources naturelles doit présenter ses modifications à la loi sur les mines d'ici quelques jours. On discute des revendications des écologistes avec Maître William Amos, co-auteur de l'étude et avocat pour la Clinique de droit de l'environnement d'Éco-Justice à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Maître Amos. Bonjour, merci de m'avoir reçu. Qu'est-ce qui vous déplaît dans l'actuelle loi sur les mines? Il y a divers aspects de la loi qui nous préoccupent. Premièrement, au niveau démocratique, il y a de grands problèmes au niveau de la consultation, de l'information reçue non seulement par des propriétaires privés, mais par les municipalités aussi et par les Premières Nations. Deuxièmement, au niveau des études d'impact environnemental, c'est nettement une problématique qu'il n'y a pas nécessité d'avoir des études d'impact environnemental pour les projets miniers. Des 24 projets d'exploitation minière qui existent déjà au Québec, il n'y a qu'un seul qui a eu une étude d'impact environnemental. Alors, le régime elle-même n'est pas efficace au niveau environnemental. Mm-hmm. Et donc, quelles sont les grandes lignes de votre étude? Qu'est-ce que vous souhaitez retrouver, là? Ben, ce que nous voulons, c'est en fait une réforme complète de la loi pour que ça soit en ligne avec les principes de développement durable qu'on voit déjà promulgués dans la loi sur le développement durable. En effet, la loi sur les mines maintenant se préoccupe seulement du développement et de l'exploitation des intérêts miniers et ne se préoccupe pas d'intégrer ce développement qui est important et nous sommes d'accord que l'industrie minière est importante pour le Québec, mais il faut s'intégrer dans un concept de développement durable. Alors, c'est-à-dire qu'il faut assurer que tous les projets soient soumis à des études d'impact environnemental et que l'information et la consultation et le consentement des propriétaires privés, des municipalités et des peuples autochtones soit garanti avant d'avancer avec les projets. Vous souhaitez aussi appliquer le principe de pollueur-payeur, hein? C'est certainement ça. Et après avoir lu le rapport du vérificateur général en avril 2009, je crois que c'est accepté dans le gouvernement qu'il y a vraiment des enjeux au niveau de ce que payent les compagnies minières en ce qui concerne la restauration des sites. Il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là. Il faut assurer que 100% des coûts de restauration sont payés par les compagnies et non pas par les résidents du Québec avec leurs impôts. Ouais, est-ce que vous abordez aussi les sites miniers contaminés, ceux qu'on appelle les sites contaminés orphelins, qui doit payer la facture? Ben, c'est exactement ça. Et nous sommes d'accord avec le vérificateur général qu'il faut vraiment trouver une solution à ce problème-là. Ce n'est pas acceptable que les impôts des Québécois et des Québécoises payent pour ces sites orphelins. En effet, ce que nous demandons, c'est qu'il y a un impôt imposé au prochain projet minier pour qu'ils payent pour ces problèmes qui existera toujours et sans solution. Et l'une de vos conclusions de cette enquête, là, vous voulez obliger le remblai donc obligatoire des mines à ciel ouvert. Ben exactement ça. Et en effet, ce n'est qu'une demande pour l'internalisation des coûts de l'industrie minière. Nous n'acceptons pas qu'une industrie peut laisser leurs déchets, laisser leurs problèmes environnementaux pour les générations futures. En effet, tous les coûts d'un projet minier, y inclut le remblaiement, devraient être payés par celui qui gère le projet et non pas par les impôts des Québécois. Maître William Amos, co-auteur de l'étude et avocat pour la Clinique de droit de l'environnement d'Éco-Justice à l'Université d'Ottawa, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.